Chapitre 31e. Exactement et régulièrement renseigné, le baron Lazarus fut informé jour par jour de ce qui se passait chez Antoine Chamberlain. Par Hermann, il apprit la descente de police rue de Charonne, la fuite d'Antoine par les toits, le séjour chez le colonel, la conduite faite par celui-ci à son oncle jusqu'à Bâle, enfin le départ prochain de Thérèse pour aller rejoindre son père. Il voulut même assister à ce départ, pour voir comment le colonel se séparait de sa petite cousine, et il se rendit à la gare de l'Est. Trois quarts d'heure avant le départ du train, il vit arriver le colonel qui se promena fiévreusement en long et en large dans la salle des pas perdus, insensible à ce qui l'entourait, n'ayant d'attention que pour les voitures qui apportaient des voyageurs. Il était visible que ce départ le troublait profondément. Il marchait vite, il s'arrêtait tout à coup, et ses lèvres s'agitaient comme si elles prononçaient tout bas des paroles qui, de temps en temps, étaient accompagnées d'un geste énergique de la main. Assis sur un banc, dans l'ombre, et de plus, cachant son visage derrière un numéro de l'Allgemeine Zeitung, qu'il ne pouvait pas lire, le baron ne perdit pas le colonel de vue, sans que celui-ci eût l'idée de regarder ce lecteur dont les yeux le suivaient. Une voiture s'arrêta devant le perron, et il en descendit deux hommes, un vieux et un jeune, puis une jeune fille. Le colonel se dirigea vers eux et tendit tout d'abord la main à la jeune fille. C'était elle. Le baron l'étudia attentivement. Elle lui parut jolie, avec quelque chose d'attrayant, de charmant, dans toute sa personne qui la rendait véritablement dangereuse. Il était heureux qu'elle quittât Paris, car à la regarder, on comprenait très bien que le colonel éprouva pour elle de tendres sentiments. Pour le moment, il lui parlait avec un embarras qui se trahissait manifestement, et elle-même, en lui répondant, paraissait assez contrainte. Chez tous deux, il y avait assurément de l'émotion. Il y en avait aussi, et une très vive, chez le jeune homme qui l'accompagnait. Le baron eût voulu entendre ce qu'il disait, mais il n'osa les approcher. De même, il n'osa pas non plus les suivre dans le vestibule de la salle d'attente lorsqu'ils eurent pris leurs billets. Il y avait trop à craindre que le colonel le reconnût. Après tout, il en avait vu assez. Elle partait, c'était l'essentiel. Elle ne serait pas à Paris quand la rupture avec Carmelita éclaterait, et il faudrait être bien maladroit pour laisser le colonel la rejoindre. Ida ne commettrait pas cette sottise. À son tour, elle saurait agir sans doute. Il attendit qu'on fermât les portes, et quand le colonel revint avec Michel dans la salle des pas perdus, il l'aperçut par hasard. « Vous ici, colonel ? Quelle heureuse rencontre ! J'étais venu accompagner un ami qui repart pour l'Allemagne. » Le colonel ne paraissait pas disposé aux longues conversations, mais il fallut bon gré mal gré qu'il accepta la compagnie du baron. Mais en chemin, le baron n'en put rien tirer. C'était à peine si le colonel répondait par un oui ou par un non aux questions qui lui étaient posées. Il ne dit pas un mot des personnes qu'il venait de quitter, et le baron ne laissa pas comprendre qu'il connaissait ces personnes. Le but qu'il s'était proposé en venant à la gare était atteint. Il avait vu partir cette petite cousine qu'il redoutait tant, et l'effet produit par ce départ sur le colonel lui avait montré le bien fondé de ses craintes. Maintenant, il pouvait agir plus librement et tourner toutes ses forces du côté de Bayeux. Il était inutile de laisser les choses traîner en longueur. Mieux valait frapper le coup aussitôt que possible. À cela, il y avait plusieurs avantages, et un entre autres, qui, bien que peu important dans une pareille affaire, touchait le baron au cœur. C'était de ne pas payer plus longtemps les leçons que Bayeux donnait à Flavie, et surtout celles que Flavie recevait de Bayeux. Le baron était d'avis qu'il n'y a pas de petites économies en ce monde, et les 100 francs donnés à Flavie lui paraissaient de l'argent gaspillé en pure perte. Sans doute, ces 100 francs dépensés avec persévérance pouvaient lui procurer les nobles jouissances de l'art, suivant son expression. Mais ces jouissances valaient-elles les 100 francs multipliés par cette persévérance? C'était une question que le baron ne prit même pas la peine d'examiner. D'un côté, des jouissances plus ou moins problématiques, de l'autre, une économie certaine et de réalisation immédiate n'y avait pas à balancer. À vrai dire, il n'avait que trop tardé, et en additionnant ces 100 francs donnés pour chaque leçon, il trouva qu'il formait une somme qu'on pouvait justement regretter. Cependant, cette somme n'était pas tout à fait perdue, sinon pour Flavie Il ne s'occupait pas présentement de la petite fille, au moins pour lui. En effet, elle lui avait permis d'établir, avec le professeur de chant, des relations chaque jour plus intimes, et par là, son rôle devenait un peu plus facile à remplir. Dans cette fréquentation, les conversations sur Carmelita avaient continué, et peu à peu le baron avait accentué le mécontentement que lui causait ce mariage. Il avait la plus grande amitié pour le colonel Chamberlain. Il avait la plus vive tendresse pour Carmelita, qu'il chérissait comme si elle était sa fille. Mais c'était justement cette amitié et cette tendresse qui lui faisaient regretter ce mariage. Ils étaient doués l'un et l'autre de qualités tout à fait remarquables. Seulement ces qualités ne s'accordaient pas. Au contraire, elles s'excluaient, si bien qu'ils ne pouvaient être tous deux que très malheureux s'ils se mariaient. Avec un autre mari, Carmelita serait heureuse. Avec une autre femme, le colonel serait assurément heureux. Mariés ensemble, ce serait la guerre et la désolation. Quel chagrin de voir ainsi des gens qu'on aime pourrir à leur perte sans pouvoir les arrêter. Ah, certes, s'il apercevait un moyen d'empêcher ce double suicide, il n'hésiterait pas à l'employer coûte que coûte. Mais quel moyen ? C'était ce qu'il ne voyait pas. Chaque jour, il était revenu sur ce thème et l'avait développé habilement. Une fois même, il était arrivé à la leçon avec un retard assez long et pendant que Flavie travaillait, il avait donné des marques de préoccupation assez fortes pour que Bayot dût les remarquer. Comme à l'ordinaire, la leçon finie, ils sortirent ensemble. Le baron paraissait si mal à l'aise que Bayot s'informa poliment de sa santé. « Ce n'est pas la santé qui va mal, c'est l'esprit. Je suis sous l'impression d'une grave contrariété, et je crains bien d'avoir fait une double sottise. » Le maître de chant n'était pas questionneur, mais le baron n'avait pas besoin d'être interrogé pour parler. J'ai risqué un grand coup aujourd'hui. Je me suis franchement expliqué avec le prince Mazzazzoli d'une part et, d'autre part, avec le colonel Chamberlain, à propos de ce mariage qui me tourmente de plus en plus. En face, je leur ai dit ce que j'en pensais, tout ce que j'en pensais, c'est-à-dire tout ce que je vous ai souvent raconté. Et le prince s'est fâché, demanda Bayot, qui arrivait toujours à lâcher une question quand le baron avait fouetté sa curiosité. Fâché n'est pas le mot, mais il est vivement contrarié, et il m'a donné à comprendre que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Nous avons échangé quelques paroles malsonnantes. Avec le colonel, la scène a été moins vive, mais elle n'a pas produit un meilleur résultat. D'un côté comme de l'autre, il y a un parti pris, et ce mariage se fera. Pour moi, je ne m'en mêlerai plus. C'est leur affaire après tout, ce n'est pas la mienne. Je ne vais pas, par simple bonté d'âme, me jeter ainsi entre eux. Qu'ils s'arrangent. S'ils sont malheureux, et ils le seront, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas été prévenus. D'ailleurs, il n'y a plus rien à faire. Il paraît que les formalités sont accomplies, et l'on va pouvoir fixer la date précise du mariage. J'ai toujours espéré qu'au dernier moment, le bienheureux hasard me fournirait un empêchement, et je vous donne ma parole que je ne l'aurais pas laissé passer sans m'en servir. Mais je vois qu'il faut renoncer à cette espérance, et j'y renonce. Bayot hésita un moment. Le baron crut qu'il allait enfin parler. Bien certainement, un combat se livrait en lui. Mais après quelques secondes, le maître de chant salua le baron et s'éloigna. « Quel imbécile !» se dit le baron. « Il est capable de me traîner ainsi et de me faire dépenser mon argent. J'en ai assez de ses leçons. » Deux jours après, il revint à la charge, mais cette fois en employant une autre tactique. Puisque les allusions et les insinuations ne réussissent pas, se dit-il, essayons d'un moyen plus direct. Et il mit ce moyen en œuvre en sortant de chez Flavie. Au lieu de monter en voiture, il prit le professeur par le bras, comme il aurait fait avec un intime. Vous voyez en moi, dit-il de sa voix la plus insinuante, un homme qui a pris une grande résolution. C'est celle de vous faire violence. Et comme Bayeux le regardait avec surprise, le baron se mit à rire d'un air bon enfant plein de franche cordialité. « Rassurez-vous, n'ayez aucune peur, je ne veux pas vous faire de mal, au contraire. » Et de nouveau, le baron se mit à rire. « Quel sentiment croyez-vous que je ressens pour vous, monsieur Bayeux ? » demanda-t-il en regardant le maître de chant en face. « Mais, monsieur le baron, je ne sais en vérité que vous répondre. » « Comment ? Vous ne savez pas que j'éprouve pour vous une vive, une très vive sympathie ? Je suis donc bien dissimulé, ou bien vous êtes donc aveugle ? Il faut que je vous dise en plein visage que j'ai pour vous non seulement pour votre talent, que j'admire, mais encore, pour votre personne, une grande estime. Eh bien, je vous le dis, puisque vous n'avez pas voulu le voir. » Beio, interloqué, répondit par quelques paroles de politesse. « Si je m'exprime ainsi, continua le baron, au risque de blesser votre modestie, ce n'est pas, soyez-en persuadé, pour vous faire de vains compliments. Certes, vous méritez tous ceux qu'on pourrait vous adresser, mais je ne suis pas complimenteur, et ma bouche ne connaît pas la flatterie. Avez-vous jamais remarqué que je flattais les gens? Dites, l'avez-vous remarqué ?» Beio dut répondre qu'il n'avait pas fait cette remarque. « Soyez certain que je ne commencerai pas à remplir ce rôle méprisable avec vous, » poursuivit le baron. « En vous disant ce que je pense de vous, j'avais un but, qui était de vous faire comprendre une idée qui m'a germé dans l'esprit en pensant à ce maudit mariage. Savez-vous ce que je me suis dit souvent en vous regardant pendant que vous faisiez travailler Flavie? Je vais vous le répéter, parce que j'ai pour habitude de ne rien cacher. Tout ce qui me passe par l'esprit, tout ce que je pense des gens, je le dis. Voilà comment je suis fait. Est-ce bien, est-ce mal, ce n'est pas la question. Je suis ainsi. Eh bien, ce que je me suis dit souvent, c'est que le mari qui convenait à Carmelita, c'était... » Le baron fit une pause assez longue, en s'arrêtant et en forçant Beio à s'arrêter aussi, et à le regarder en face. « Je me suis dit que c'était vous. »« Moi ?»« Oui, vous, vous-même. » Et je vais vous expliquer comment cette idée m'est venue et sur quoi elle repose. Cela ne vous ennuie point, n'est-ce pas? Les yeux, les lèvres, les mains tremblantes de Beio, son attitude, toute sa personne, répondirent pour lui. Qu'est-ce qu'en réalité que Carmelita? Continua le baron. Une créature placée par la Providence dans une classe à part et au-dessus des autres. En un mot, et pour tout dire, une artiste, créée, née artiste. Qu'êtes-vous vous-même? Aussi un artiste, et des plus remarquables, mais bien différent de Carmelita, qui a reçu tous les dons dont elle est si riche de la nature, tandis que vous devez beaucoup au travail et à l'art. Mais cela importe peu, et le point de départ est l'essentiel. Ce point vous est donc commun et vous rapproche l'un de l'autre. Sympathiquement, il vous unit. Vous me direz que d'un autre côté, bien des choses vous séparent. C'est juste, et je n'en disconviens pas. Cependant, il ne faut pas s'exagérer leur importance, au contraire. Il faut reconnaître ce qu'elles ont de factice. Ainsi, ne pensez pas que pour moi j'ai été dupe des raisons mises ostensiblement en avant par le prince pour expliquer le travail de Carmelita. J'ai vu clair sous ces raisons. Le prince, désespérant de réaliser le beau mariage qu'il poursuivait depuis longtemps pour sa nièce, pensait à la faire débuter au théâtre. Est-ce vrai? Beio ne répondit rien à cette interrogation directe. « Vous ne voulez pas livrer un secret qui vous a été confié. J'approuve cette discrétion. Mais, que vous confirmiez ou ne confirmiez pas ce que je vous dis là, il n'en est pas moins certain que c'est la vérité. Alors, rien d'étonnant à penser, n'est-ce pas? Que Carmelita, entrant au théâtre, vous prenait pour guide et pour soutien. Toutes les raisons de famille et de noblesse écartées de fait pour le théâtre l'étaient naturellement pour le mariage. Mon idée n'était donc pas folle. » Tant s'en faut. De plus, elle reposait sur d'autres bases encore. Vous avez vu. Vous voyez en ce moment que mon besoin de tout dire m'entraîne parfois à d'étranges confidences. Cette idée de mariage entre vous et Carmelita ayant poussé dans ma tête, je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à Carmelita en cherchant à découvrir son sentiment à ce sujet. Et vous connaissez Carmelita mieux que moi. Vous savez comme elle est réservée. Même mystérieuse, c'est un sphinx. Elle ne m'a pas répondu franchement que j'avais raison, et je dois même, pour être sincère, vous avouer qu'elle n'est nullement désespérée de ce beau mariage. Elle aime la fortune, sans doute. Cependant, après avoir reconnu le mauvais, je dois constater aussi le bon. C'est que ce n'est pas seulement la fortune qu'elle aime. Elle n'est pas uniquement une femme d'argent. Il y a en elle d'autres sentiments, plus nobles, plus désintéressés. Sans doute, cette immense fortune du colonel Chamberlain l'éblouit. Et placée dans le milieu où elle est, avec son entourage, son oncle, sa mère, le monde qui tous s'occupent à faire miroiter cette fortune, il n'est pas étonnant qu'elle subisse cette influence. Mais il n'en est pas moins vrai qu'au fond, malgré cet éblouissement qui la trouble, elle jette des regards en arrière. Me croyez-vous sincère? Assurément, Beio ainsi interrogé, croyait le baron Lazarus sincère. « Eh bien, je suis convaincu que si on avait fait une tentative sérieuse, ce mariage aurait été rompu, et il aurait été par Carmelita. Quand je dis « on », vous comprenez de qui je parle. C'est de vous, monsieur Bayot. Moi, je l'ai faite, cette tentative, mais d'une façon indirecte, indécise, qui ne pouvait aboutir puisque je parlais en l'air, sans pouvoir donner une conclusion à mes paroles. Et cependant, l'effet que j'ai produit a été si grand que j'ai eu la conviction que le succès était encore possible. Et voilà pourquoi j'ai eu avec vous cet entretien, qui tout d'abord a dû vous surprendre, mais dont vous voyez maintenant le but. J'aime le colonel Chamberlain, j'aime tendrement Carmelita. Je crois qu'ils seront malheureux s'ils se marient. De notre côté, j'ai pour vous une haute estime, une vive sympathie. Je crois que vous êtes le mari qui peut donner le bonheur à Carmelita. Je me mets à votre disposition pour rompre le premier mariage et conclure le second. » Arrivé à cette conclusion, le baron s'arrêta de nouveau et, abandonnant le bras du chanteur, il lui tendit la main. Bayeux mit sa main dans celle du baron, mais à ce long discours qui avait touché tant de points, il ne répondit que par quelques mots de remerciement. Il était très touché et très ému. Et ce fut tout. Sans doute il allait se remettre de cette émotion. Mais tout à coup, tendant à son tour la main au baron, « Monsieur le baron, j'aurai l'honneur de vous revoir. » Et il s'éloigna rapidement, comme s'il se sauvait. « Est-ce qu'il est fou ?» se demanda le baron. Mais non, il n'était pas fou, troublé, bouleversé, affolé par ce qu'il venait d'entendre. Décidément, le baron avait bien fait de risquer cette tentative hardie, et qui pouvait même paraître au premier abord désespéré. Il ne s'était point trompé dans ses observations. Bayeux aimait Carmelita et il avait entretenu l'espérance de l'obtenir pour femme. Jusqu'où avait été cet amour? Avait-il mis aux mains de Bayeux des armes suffisantes, ainsi qu'il l'avait dit, pour empêcher le mariage du colonel? Là, désormais, était la question. Mais, étant parvenu par ce coup de hardiesse à la poser en ces termes, le baron avait la certitude que sa solution ne tarderait pas maintenant longtemps. Il n'y avait qu'à attendre. Bayeux n'avait pas voulu, n'avait pas pu parler. Mais l'émotion qui avait étranglé sa voix était un indice certain que précisément il parlerait bientôt. Quand on offre un secours et une alliance à un homme dans sa position, on peut croire que secours et alliance seront acceptés. Et le baron, rentrant chez lui, satisfait de sa journée, alla embrasser tendrement sa fille. Cette chère enfant, c'était pour elle qu'il travaillait, et l'espérance de la voir heureuse lui donnait des idées. Elle aurait la fortune du colonel Chamberlain, et il administrerait cette fortune. S'appuyant, se haussant sur elle, où ne parviendrait-il pas? Et le prince Mazzazzoli, qui se flattait d'avoir cette fortune, qu'en aurait-il fait, le pauvre homme? Et puis franchement, est-ce que ce brave colonel Chamberlain méritait d'avoir pour femme une Carmelita, une chanteuse? Allons donc! C'était venir en aide à la Providence que d'empêcher ce mariage. Avec Ida, le colonel serait l'homme le plus heureux du monde. C'était pour le bonheur de tous qu'il agissait, au moins de ceux qui méritent le bonheur. Il pria sa fille de se mettre au piano. « Joue-moi du Mozart, » dit-il. « J'ai besoin d'entendre une musique simple et pure. » Et pendant une heure, il resta à écouter cette musique qui accompagnait délicieusement sa rêverie. Le lendemain matin, à son lever, on lui annonça qu'un monsieur dont on lui remit la carte l'attendait depuis longtemps déjà. Ce monsieur, c'était Lorenzo Bayeux. « Et qu'avez-vous dit ? » demanda le baron. « J'ai dit que monsieur le baron travaillait. »« C'est bien, je sonnerai quand je pourrai recevoir ce monsieur. » Le baron n'avait pas l'habitude de se livrer à des mouvements de joie intempestifs. Cependant, il ne put s'empêcher de se frotter les mains. Il avait réussi. Bayeux, de qui il avait si longtemps entendu une parole, était là, prêt à parler. « À mon tour, maintenant, » se dit le baron, « de le voir venir. »